J'arrive plus à te regarder dans les yeux. Je t'ai trahi et t'ai manqué de respect. Non, devant tes copines, je reconnais mes bêtises. Si je suis dingue de toi, j'imagine pas ma vie sans toi. Baby, tu me connais, tu m'aimes. Tu me connais, tu m'aimes. J'avoue, j'étais faible. Mais toi, tu me connais mieux que ça. Tu me connais. T'es en la dernière chance. T'as pas de la vie solo. T'es en la dernière chance. Complètement raison, mes péchés je les confesse. Je comprends ta déception. J'ai reçu tes SMS, ouais. Qu'entre nous c'est fini. C'est sous la colère que tu me l'as dit. Tu n'y as pas réfléchi, non. Baby, yeah. Que nos beaux souvenirs te collent un procès. Avec les meilleurs avocats du monde. Que les juges te déclarent coupable, tu veux ma mort. T'es en la dernière chance. T'as bandé la vie solo. T'es en la dernière chance. T'as bandé la zéro love. Nagola lawa, nagola. I'm sorry, babe, d'avoir brisé ton cœur. Oh, na na na. I'm sorry, babe, d'avoir brisé ton cœur. Boss Eric Mandala, yo que la mawa, Abed Achou, système Oussanaya, honorable Zeska, et même Otombo, force de Fukushima. Teobina Mungu, yo que la mawa, roi d'un fou.